selon son dessin. Romains 8, verset 28. Toi, tu es là, tu te plains. Façon, façon là. Kesha. Oh, my God, that is your world.